samedi à faire le pot, j'arrive plus à prendre le bateau. Je reste tout seul sur le bord de l'eau, en jonglant avec mes roues. Dans ma vie en salle d'attente, y a des passants qui regardent ailleurs, où y a des belles bébelles en vente, des belles bébelles qui ont tant de valeur. Il y a des autobus qui vont nulle part. Il y a des esclaves en chaîne dorée. Du monde qui touche même plus le trottoir, tellement qu'ils montent en société. Quand t'as une vie en salle d'attente, t'as la tête en écran géant, tu regardes les films que tu t'inventes. Tu peux pas dire que tu vis vraiment, pas vraiment. Il y a des prisonniers en cage de verre, gens qui dorment les yeux ouverts, à coups de pédales publicitaires qui font voir clair quand il fait noir. Il y a des enfants désabusés que les lapins font plus sourire, des enfants déjà tout usés, des enfants de la grande roue qui vit. Quand tout le monde vit en salle d'attente, dans la tête un écran géant, tu regardes les films que tu t'inventes. Tu peux pas dire que tu vis vraiment, pas vraiment. Dans le fin fond de mon cabochon, il y a des voyages qui tournent en rond. Il y a des pays grands comme des villages, des pays où ce qu'il n'y a pas de courage. Il y a des forêts couchées dans des tracts qui connaîtront pas la varlope, qui vont se faire changer en nouvelles, en annonce pour vendre des bébelles. Quand nous aurons mis en salle d'attente, dans la tête en écran géant, tu regardes les films que tu t'inventes. Tu peux pas dire que tu vis vraiment, pas vraiment. Y'a des amis qui meurent trop tôt dans des cercueils en forme d'auto. Y'a des maisons qui s'élèvent quand sont dispersées les familles. Y'a des oiseaux qui pensent qu'ils doivent peut-être bien parce qu'ils s'étaient trop frais. Dans ma vie en salle d'attente, y'a des jours où la vie est lente, lente, lente. Quand t'aurais une vie en salle d'attente, dans la tête en écran géant, tu regardes les films que tu t'inventes. Tu peux pas dire que tu vis vraiment. Dans la vie en salle d'attente, y a des jours où la vie est lente. Y a des otages dans les hôpitaux, du monde qui devait prendre leur bateau. Des vieux qui peuvent même plus mourir, juste parce qu'ils peuvent encore survivre. Y'a des chômeurs qui apprennent la vie, juste parce qu'il n'y a plus rien qui les rive. Puis y'a mon bateau, puis y'a mon bateau, qui s'en vient. T'as une vie en salle d'attente, t'as la tête en écran géant, tu regardes les films que tu t'inventes. Tu peux pas dire que tu vis vraiment.